gespielt, im Geist getrennt, im Herz vereint. Wir sind schon sehr lang zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen. Vous êtes tous dans l'émission Plus que du métal. Aujourd'hui, on reçoit le groupe Cleaver. Salut les gars. Salut les gars, on va parler un petit peu de votre actualité et tout ce que vous faites dans peu de temps. Donc là, nous avons passé donc le dernier Rammstein, Deutschland, dont le prochain album sortira le 17 mai, avec notamment ce clip plus que controversé. Avant de parler de Cleaver, on va parler de deux, trois petites actualités, notamment des sorties d'albums. Amon Amarth sort un nouvel album le 3 mai qui s'appellera Berserker. On écoutera certainement un petit morceau tout à l'heure. Le dernier album prévu de Acme qui, le dernier album, donc ça sera Requiem. On a eu la très bonne nouvelle d'avoir Soulfly chez Paulette le 28 juin. Et enfin, le prochain Sidi Larsen, on va tous crever, ben on va l'écouter surtout. C'est parti. à vif, tiré du prochain album qui sort le 25 avril de On va tous crever. Mais revenons à nos invités. Donc Cleaver, eh ben allez-y les gars, présentez-vous. Alors on est trois, je commence, je m'appelle Mathis, je suis guitariste et chanteur. D'accord. Moi je m'appelle Léopold et je suis batteur. Franck, bassiste, chanteur. Bassiste, chanteur. Et le groupe, quel âge a le groupe? Est-ce qu'il est récent, ancien Le groupe, il a exactement, on répète depuis un an et le groupe est actif, on va dire, depuis 6 mois. 6 mois. Depuis 6 mois? Ouais. Okay. Depuis décembre. Moins de 6 mois, donc depuis décembre. Ouais, moins de 6 mois, oui. C'est la date de notre premier concert. Et de notre premier enregistrement aussi, tout en même temps. Vous avez déjà enregistré une galette? Non, on a deux titres. Deux titres. Enregistrés. On a choisi de faire deux titres pour pouvoir se lancer, trouver des plans live. Ouais. Et puis on a à peu près 7 compos qui sont prêtes éventuellement à être enregistrées aussi. Alors vous les voyez pas à la radio, mais il y a sur les trois, il y a une personne qui est un petit peu plus âgée que les deux autres. c'est un lien de parenté. C'est de la curiosité. Hein. Alors en fait. On est donc les deux, on va dire, plus jeunes. On est deux frères. D'accord. Et le plus âgé... Ouais. Le plus âgé. T'as failli dire autre chose, quoi. Ouais, il a failli dire le plus vieux, mais on peut... Le plus âgé. Et en fait, on peut dire que c'est une histoire de famille, parce que c'est le copain de notre tante. C'est comme ça qu'on peut le dire. Et du coup, ouais. On aime bien rester en famille. Bon, on n'est pas casaniers non plus. Oui. On aime bien travailler en famille... Ouais, c'est plus facile pour bosser en fait. Ça voilà. Et comment c'est fait justement, donc les deux frères, on comprend bien, mais rassembler donc on va dire l'oncle. Hein. On peut dire ça, hein, vas-y. Hein, donc rassembler l'oncle, ça s'est fait comment en fait? Alors en fait, avec Léo, on joue beaucoup. On a eu plusieurs groupes, différents groupes, des ateliers, tout ça, parce qu'on a fait un peu du conservatoire et autres. Et on voulait se lancer déjà dans un projet métal. Parce qu'avant, c'était plutôt du hard rock. On a eu un projet un peu art funk et tout ça. Et on cherchait un parolier à la base. Et on s'est tourné vers Franck, qui avait été chanteur et parolier dans un groupe qui s'appelle A Very Sad Story, à son début. Donc, au début des années... 60 ? Ah non, pardon. Non, je rigole. Ouais. Voilà. Et du coup, au début, ça s'est fait comme ça. On avait, avec Léo, trois chansons qui étaient prêtes. Il a commencé en écrivant les paroles, en plaçant les mélodies. Et puis, on s'est dit, on lui a mis une basse dans les mains, puis c'était parti. Donc, rappelez-moi vos noms. Franck. Franck, donc c'est Franck qui écrit les paroles. Principalement. Oui, surtout au début, maintenant, on partage plus, mais au début, ouais. Oui, ça s'est pareil fait pour comme la ça, compo, ouais. Au début, c'était surtout. Je le faisais surtout avec Léo. Et maintenant, on met tout en commun. Ok. Alors, on fait tout en commun maintenant. Et vous avez donc enregistré deux titres, c'est bien ça? Ouais, c'est donc, ça. Ouais. Les deux titres qu'on va écouter incessamment sous peu. 7 titres sont encore en attente, ce que vous m'avez dit. Mm-hmm. Donc ça vous fait une dizaine de compos quand vous faites des concerts. Vous balancez les 10 titres On va dire à 8 compos. 8 compos, près, voilà. Ouais. On faisait une reprise, mais on a pris le parti. Je sais pas si on peut dire. Ouais, on peut dire ça. Ouais. On a pris le parti de plus faire de reprise pour l'instant. Pourquoi pas plus tard faire des reprises quand ça sera plutôt des revisites, je pense. Mais pour l'instant, plus de reprises. En tout cas, c'est un peu la mode d'ailleurs en ce moment. Les artistes qui se revisitent par eux-mêmes. Ouais, ça c'est vrai. Eh ben écoutez, on va déjà écouter Desperate. Ouais. C'est votre parti. Premier titre, deuxième titre? Premier titre, celui-là. Premier titre. C'est le petit bébé, ouais. C'est le premier. Ok. Eh ben allez, c'est parti pour Desperate. Ah! Voilà, c'était Clever, donc Desperate. Quelle est votre actualité prochaine? Là, on va jouer le 4 mai à Lémont dans un festival qui s'appelle le Copen Rock. C'est près de Bar-le-Duc et Revigny. D'accord. Sinon, on va jouer probablement en juillet dans un festival à Mécrin, en Meuse, près de chez nous. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Vous êtes pas de Nancy? On n'est pas de Nancy, ah, okay. On est de Commercy. Ah. Mais moi, je fais mes études à Nancy, mais on est fiers, on est meusiens. Et... fiers des vaches bleues. Tout à fait, ouais, c'est ça. Un peu moins, mais... Donc, deux concerts de prévus. Et puis, un aussi le 27 septembre, vendredi 27 septembre à Reims, au Dropkick. Ah oui, vous allez assez loin. Comment ça se passe pour rechercher des concerts comme ça? C'est assez compliqué, c'est beaucoup de travail de relationnel, d'envoyer les démos, relancer, re-relancer. Voilà, il faut être... Patient. Ouais, il faut être patient, mais ça commence à tomber, c'est bien. D'accord. On lance un appel hein, d'ailleurs, hein, si vous avez besoin d'un groupe, on est là. Hein. Et au point de vue vos influences musicales, hein, c'est lesquelles? Bah en fait ça se tourne vers le batteur. Nous on aime bien tous les groupes comme System of a Down, Mastodon, Gojira, Machine Head et aussi Pantera. Et donc on essaie de faire un parler de notre style, on essaie de faire un métal brut de décoffrage, assez tranchant, mais tout en mettant de l'émotion. C'est ce qu'on a vu dans la première. Et vous avez jamais été, c'est peut-être comme vous êtes un groupe jeune, la question est peut-être un peu peut-être avancée, inclure une deuxième guitare? Même pas en rêve. Ah ouais, pourquoi non? Non. Bah on se plaît comme ça en fait, on a des facilités à composer, à travailler. Deuxième guitare, moi j'ai connu dans le passé, des fois ça peut être aussi source de conflit, voilà, les guitaristes sont assez exigeants, aiment bien être présents, donc non, ça fonctionne bien comme ça. Je dirais l'évolution principale qui pourrait arriver par la suite, ça serait d'inclure un troisième chant. Un troisième chant? Pourquoi pas? Ça serait la seule possibilité envisageable pour l'instant. Ok. Et pourquoi un troisième chant? Bah parce que comme ça ouvre encore plus de facettes. Ça dépend le jour où Léo aura fini de nuer. C'est compliqué pour un batteur d'être au chant parce qu'il ouais, a d'autres choses à s'occuper. Et puis bien tenir le tempo, bien sûr. Mais pourquoi pas? Oui, ça permet de travailler des polyphonies, des trucs comme ça. C'est difficile à faire, surtout en live, mais on se l'écarte pas. Quoi. Ok. Bah, écoutez, on va écouter votre deuxième morceau, Ghost of Us. On est parti. C'est parti. We'll be right back. rester donc Cleaver, Ghost of Us. Effectivement, là, on sent quelques influences système, notamment au début de la chanson. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, après, on analysera. Il y a toujours. Enfin, vous verrez après. Dans l'actualité de plus que du métal, on analyse toujours un vieil album. Et aujourd'hui, c'est un système. Ah, ça fait plaisir. C'est de la chance. Ah ouais, vous avez du bol. Ouais. Donc je rappelle, donc rappelez bien l'actualité où vous allez donner des concerts. Allez-y, je vous laisse leur dire. Le 4 mai à Lémon, le 13 juillet à Mécrin et le 27 septembre à Reims au Dropkick, à Reims avec A Very Sad Story. D'accord. Et est-ce qu'il y aura donc vous avez dit huit compos que vous avez. Il y en aura peut-être d'autres, non? Ah oui, il y en a 8 ficelées, terminées. Bon, on peut toujours améliorer 2-3 choses, mais elles sont quand même bien ficelées. Et puis, il y a une 9e en cours. Voilà. Ok. Et tous ces titres-là, donc, on peut les retrouver sur YouTube. On peut les retrouver donc sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Apple Music, tout ce que vous voulez. Et puis, depuis aujourd'hui, Bandcamp aussi, on a. D'accord. Ah, vous avez un Facebook. Le Facebook Cleaver. Ouais, aussi. Le Facebook Cleaver. Okay. Cleaver Music Band. Fait bien la promo, t'as vu hein. Non, il a bien appris son sketch. Hein. Ça, c'est très bien, ça se passe bien. Une dernière, enfin encore pas une dernière, mais le fait que vous soyez un groupe jeune, finalement, qu'est-ce que vous espérez en fait pour par la suite vous espérez notre but, votre but ultime, voilà. Moi, mon but ultime dans ma vie, c'est d'enregistrer un album. Et on rigole là parce que je l'ai tanne avec ça, parce que, comme on dit, pour l'instant, c'est pas la priorité, quoi. Ça serait se faire un plaisir, mais faire un album tout de suite, pour qui, quoi? Ça serait pas utile pour nous encore, mais en fait, on espère faire un maximum de dates, de belles dates, dans l'idéal, et pour pouvoir après avoir l'utilité d'enregistrer un album et faire ça bien, quoi. L'objectif, c'est vraiment de faire le plus de dates possible pour se faire connaître. Ok. Un peu partout, puis petit à petit, on élargit le territoire où on joue. Le périmètre. Ah oui, à Reims. Voilà, on commence. Voilà. Hein. Ouais, sachant qu'on est quand même obligé hein, de bouger parce qu'il n'y a pas. Voilà, tout n'est pas sur l'Est, Nancy ou autre. On est obligé de s'expatrier un peu. On a été joué il y a. 15 jours. Il y a une semaine, à Volmerange, tu vois, frontière Luxembourg. Ah bah, avec Volmerange. Tormente, voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'était avec le groupe qui est passé il y a un mois, Tormente. Mais tant mieux, c'est avec plaisir. C'est bien. D'accord, comment ça se passe quand vous rencontrez d'autres groupes comme ça, dans les petits festivals comme ça? Bah, nous, on trouve ça cool, quoi, parce que ça permet de prévoir des dates, hein, si possible. Enfin, déjà, on rencontre des gens cool parce que. On fait des bonnes rencontres. Comme nous dit Franck. Comme dit Franck, c'est le relationnel aussi. Ça se fait dans ces concerts. Ça se passe très bien, vraiment. Moi, je faisais ça il y a plus longtemps, on va dire, et c'était pas forcément la même ambiance. On sentait un peu de compétition entre les groupes, tout ça. Et, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a de la compète, justement, entre tous ces groupes? C'est très solidaire, le matos se prête. Tout le monde y va de son conseil, se félicite. Enfin, franchement, ça se passe très bien. Ouais. Alors, Franck, tu m'intrigues avec ton. Tu parles de ton groupe que tu as eu auparavant. Ouais. Bah, c'était A Very Sad Story, justement. Alors, je suis désolé, je ne connais pas. Bah, c'est un groupe meusien aussi, que certains connaissent, j'espère, en tout cas ceux qui nous écoutent. Voilà, qui a 3-4 albums à son actif et qui tourne pas mal dans l'Est. Bah, on joue avec eux. Ouais, Sludge, Metal, Stoner, on va appeler ça comme ça. Et justement, on refait la date qu'on fait avec eux à Reims le 27 septembre, bah, c'est avec plaisir puisqu'ils vont jouer avec nous, donc c'est bien. Et pourquoi avoir quitté le groupe pour finalement en réintégrer un autre? Oh là, moi je l'ai quitté il y a très longtemps, hein. L'ai quitté il y a une quinzaine d'années quand même, hein. Ouais. Voilà. Bah parce que ma vie à cette époque, voilà, c'est orienté vers autre chose, mais on est toujours resté en bon terme et eux ont continué justement. D'accord. Et on les remercie parce que ils nous ont traité leur local de leur local de répète pour enregistrer les parties de batterie. D'accord. Donc ils sont toujours dans notre paysage. Et quand vous enregistrez, donc vous avez enregistré 2 titres là, donc ils sont bouclés, mais tu dis que vous avez enregistré les parties de batterie dans un local de répète et le reste? Non, on a enregistré donc les batteries dans un local de répète, mais on a fait ça bien. On a fait ça avec un ingé son professionnel. Qui aussi à enregistrer donc les albums de Very Sad Story, qui connaît bien les lieux. Il y avait encore les scotchs partout près de la batterie, donc pour lui c'était super cool de bosser là, c'était des bonnes conditions. Et puis il y a un super son, on le savait pas, mais c'est ce qui nous a plu par la suite. Le son de la salle là, c'est un son un peu unique, quoi. Ça, on se la joue un peu Led Zeppelin là, en mode on cherche le son, mais c'est ouais, ça qui participe cool, aux prises de son, elles sont plus faciles dans ces environnements là. Le reste, on l'a enregistré dans le studio de l'ingénieur du son, parce que il a pas la place pour mettre une batterie, mais d'accord, on a tout fait chez lui après. Ça vous prend combien de temps pour enregistrer deux titres comme ça? En fait, pour la batterie, c'était assez marrant parce qu'on a fait, on a eu 4-5 heures d'install. C'était vraiment long. Et on a fait deux titres, donc quand Léo connaissait vraiment bien ses parties, on avait bossé, quoi, parce que ça coûte un peu de sous, donc il faut bosser. on a mis 2 heures pour faire les batteries. On a fait les guitares et les basses en une journée. Et puis les chants en une journée, ouais, donc voilà, trois jours. Trois jours, ouais. 3 jours tranquilles. D'accord. Ok. Eh ben, merci d'être venu. Donc, je rappelle, donc, Cleaver, on peut retrouver sur Facebook, sur YouTube. Enfin, on va pas répéter, hein. Mm-hmm. Voilà. Sachez que dans Plus que du métal, donc, comme je vous l'ai dit auparavant, on analyse toujours un superbe album, un vieil album, mais qui a eu énormément de succès. Ou pas, mais qui reste d'une valeur sûre artistiquement. Et là, c'est le Toxicity de System of a Down. Le fameux, qui est donc sorti en le 4 septembre 2001. C'était le deuxième album du groupe. On peut dire que c'est grâce à cet album que le groupe accède donc à une reconnaissance internationale, notamment grâce aux morceaux Chop Suey, Toxicity. Des textes engagés, une musique puissante, tout en sachant rester légère, délirante et carrément originale, je pense que vous ne me contredirez pas. Un chanteur qui se démarque par sa voix puissante, bref, un constant renouveau, un super album, et bon, on va se faire Toxicity. Disorder! Voilà, toxicité des systèmes. On va passer par la rubrique concert. Tiens, quel est le dernier concert que vous êtes allé voir? Alors, on est allé avec Léo, on est allé chez Paulette ce week-end pour aller voir un groupe. Il y avait la release d'un groupe qui s'appelle Bridge of Soul, qui a fait un super concert, mais on y allait, désolé, hein, mais on y allait surtout pour voir la première partie, Los Dissidentes del Socio Motel, et avec qui on a pu un peu créer le contact. Et on les embrasse, ils sont super sympas. Nico, le guitariste, super sympa. Ok. Et Franck? Ah, tu me sèches. Je sais pas, j'étais en train d'y réfléchir. À Troyes, on a été voir Gojira au Recal. Ouais, ça fait un bout de temps, mais. Ah oui, là, ça fait un petit bout de temps, je pense. Hein. Bah, je sais plus, tu vois. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ouais. Alors, bah, je vais peut-être te donner des idées. et ben, bah, vendredi prochain, à l'autre canal, il y a une Flames. Ça peut toujours être sympa. Chez Paulette, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a le 19 avril, il y a Misanthrope qui passe. Le 27 avril, il y a les Septic Flesh. Et enfin, au Zénith, il y a un tribute à Rammstein, tribute Rammstein Congregation, où d'ailleurs Fadjet peut vous faire gagner des places si vous allez participer sur le site de Fadjet. Et ça va me faire amener à mon autre... une autre actualité, puisque dans plus que du métal, on passe toujours une chanson qui n'est pas du métal, mais qui a toujours un rapport avec le métal. Et là, je vais vous passer du Rodrigo y Gabriela, je ne sais pas si vous connaissez. La reprise Orion. Ah super. Bah, tu veux prendre mon micro ou quoi? Donc voilà. Avec Trujillo, super. On va donc écouter donc cette reprise d'Orion de Metallica. Donc qui passe le 26 avril à l'atelier. Si vous pouvez y aller, c'est super sympa à voir en concert. Leur album sortira d'ailleurs le 26 avril aussi. C'est parti pour Orion. Marion, des Rodrigo et Gabriela. Il y a une petite rubrique aussi dans cette émission, plus que du métal. On analyse un nouvel album, Mark Morton, ça vous parle ? Alors là, pas du tout. Pas du tout ? Non, désolé. C'est pas grave, Mark Morton, c'est le guitariste de Lamb of God. Ça vous parle plus, oui. Là, maintenant ? Mmh. Donc, il faut savoir qu'il a essayé une petite carrière solo très courte, hein, je vous rappelle, qui sont quand même au Hellfest cette année. Donc, les fans de Lamb of God, d'ailleurs, ne seront pas dépaysés. Mais c'est aussi un album avec de nombreuses collaborations, notamment Chuck Billy de Testament, Josh Todd de Buckaberry et surtout le cross-off qui est tout simplement le dernier enregistrement de Chester Bennington de Linkin Park. Et ben on va l'écouter, c'est parti. Voilà, donc c'était Cross of Linkin Park, ça vous parle à vous? Vous pouvez dire non. Moi, si, le premier album était très bien, après on a un petit peu lâché. Mais New Metal, très peu, à part, on est des grands fans de Deftones, bien sûr. Ouais. On essaye un peu de, certaines parties de nos compos s'inspirent pas mal de Deftones. On adore ça, mais niveau New Metal... Non, pas pour vous. À quel âge vous avez appris, vous avez commencé à apprendre la musique? Léo et moi, ça a tourné autour de 7-8 ans. Ouais. Et toi, Franck? Ça fait 6 mois, lui. Moi, ça fait. C'est à peu près ça. Ça fait 10 mois hein. De basse. Mais j'en ai fait il y a très, très. Pas très, très longtemps, mais j'en ai fait au début, en fait, de la basse. Il y a eu un creux, en fait. Il y a eu un gros creux. Et puis, entre-temps, j'ai refait de la guitare comme ça, perso, guitare acoustique dans mon coin. Et puis, j'ai repris la basse, il y a à peu près un an, voilà. Il a fallu reprendre les basses. Je ne le charrie pas, je le salue. 10 mois de basse, il s'en sort bien, le petit. Ouais, pas trop dur de reprendre Non, ce qui est dur, c'est de concilier la basse et le chant, parce que voilà, ça fait appel à deux parties du cerveau différentes, j'en sais rien, mais des fois c'est un peu compliqué. Ouais. Ok. On va écouter le dernier Amon Amarth, Raven's Flight. D'ailleurs, ils y seront au Knotfest. Exact. On se posait justement la question qui était au Knotfest, ils y seront eux. Et vous aimez bien ça, hein? Ça, on écoute très peu, je sais les fans qu'ils ont, je salue le groupe, tout le concept. Ok, alors allons-y, c'est parti. Yeah. I tell you all the story about the joker and the thief, I said, et voilà, bah, on a enchaîné tout de suite après Mona Farf sur Wolf Mother, Joker and the Thief. Ça vous a plu, Wolf Mother? Ouais. Moi, j'apprécie. Ouais, pareillement. Ok, on fait une petite dédicace à des personnes qui nous écoutent régulièrement. Donc, des petites dédicaces à Jeff, Fred et Vincent et Alain. Donc, merci de nous écouter, au moins. Merci, on a un peu de public. Je suppose que de votre côté aussi. On va faire des respects. À Commercy chez... Ouais, si, sur Internet. Oh, c'est petit, ça. Parce... Ah, on embrasse... on est encore jeunes, on embrasse nos parents. Ben, c'est mignon, ça. Qui nous aident. qui ont acheté plein de boules caisses et qui sont... non. Ah bah oui. Ouais. Ils font de la musique, donc ils ont aussi... Vous répétez où, généralement, d'ailleurs? On répète chez nous, parce qu'on a un petit studio de musique dans la cave. Ouais. Propre. D'accord. Non, bah, c'est bien. Et bah écoutez, donc je rappelle donc les prochaines dates. Hein, Franck, vas-y, ou enfin, ça a pas l'air d'être Franck. Hein, ouais, c'est Mathis les antennes. Ouais. Le 4 mai à Lémont, voilà. Près de Revigny. Je sais pas si vous voyez. Il y aura un groupe de Nancy d'ailleurs, Zygmunt Transit. C'est pas du métal, mais c'est de Nancy. Donc Lémont le 4 mai, le 13 juillet à Mécrin. Et le 27 septembre, Dropkick à Reims. Ok. Et sur les réseaux sociaux et autres. Voilà, bah, plus que du métal, ça se finit. La prochaine édition, c'est le 13 mai. Allez, ciao.